17 ans, une femme, une enfant, qui ne sait rien encore et découvre son corps, que le soleil enivre et que la nuit délivre. 17 ans, un sourire innocent et le regard docile sous un rideau de cils, mais une faim de loup et une soif de tout. 17 ans, des seins de satin blanc semblent narguer le vent de leur charme insolent. 17 ans, et prendre encore le temps de refuser le monde organisé, et faire à l'heure présente un aujourd'hui qui chante. 17 ans, et vivre à chaque instant ses caprices d'enfant, ses désirs exigeants. 17 ans, j'étais adolescent et je le suis encore en découvrant ton corps. Comme un fruit éclaté, comme un cri révolté. 17 ans, déjà 17 ans, tu n'as 17 ans.